Deuxièmement, ainsi passaient un de leurs matins, à Castillac en Périgord, ces deux êtres qui étaient nés à l'intervalle de plus d'un demi-siècle dans la même maison. Cet intervalle, la mère d'Anatolie, en mourant, l'avait laissé vide. Mais pour le remplir, il y avait le sentiment qui unissait la grand-mère et la petite fille, comme une muraille nouvelle et bien cimentée relie deux portions d'un édifice en partie effondré. Madame Dardenne, la plus jeune des enfants de Berville, était morte à la naissance de sa fille. Tarben, officier, jugea son existence dévastée. Il partit pour l'Afrique et fut tué dans les environs du Tchad. On le sut quand Anatolie avait 2 ou 3 ans. Toute petite, elle songeait à son père et à sa mère comme à des inconnus attrayants. Elle avait obscurément conscience qu'il lui manquait et qu'elle était un être qui n'a pas ses attaches naturelles. Sans qu'elle réfléchît encore et comme par une espèce de spontanéité rêveuse, l'idée de sa mère, enlevée si tôt, lui donnait un émoi d'insécurité. L'idée de son père la lançait dans un puéril désir d'aventure. Elle n'avait pas, de même que les autres enfants, l'assurance naïve de la durée longue et indéfinie. Elle ne comptait pas sur le temps. Et elle n'avait pas, comme les autres membres de sa famille, ce calme de l'installation qui fait qu'on est là et qu'on n'imagine pas d'être ailleurs. Tout cela, et la crainte du temps et le goût de l'espace, elle l'éprouvait en elle-même, confusément, de manière cependant à en souffrir. Tout cela, qui était l'œuvre de ses hasards, déterminait son caractère. Et pour qui l'eût observé, pour sa grand-mère qui l'observait passionnément, se manifestait à chaque moment de sa vie. Elle n'aimait pas l'histoire, n'aimant pas le temps. Et le charme que l'espace avait pour son esprit la rendait curieuse des atlas et de leurs images coloriées, où l'Afrique est rouge, l'Asie jaune, l'Océanie verte, comme l'Espérance et la mer bleue, comme le ciel. La mer avec ses îles pareilles, sur les cartes, à des navires suivis du sillage de leur joli nom. Les pharaons lui étaient insupportables, et la nomenclature des pays exotiques l'enchantait. Ah, que de plaisir elle dut à la Barbade et aux Bermudes, qu'elle peuplait de sa chimère. Les oncles, tantes et cousins ne comprenaient rien à elle. Oncles et tantes trouvaient que la grand-mère ne l'élevait pas bien. Il y avait là-dessus des palabres, des remarques sans tapinois, des réflexions à voix basse. L'après-midi, quand les deux belles-sœurs travaillaient de compagnie à des raccommodages de lingerie, ou si des amis étaient venus à des broderies inutiles. « Maman, la gâte de la façon la plus absurde, disait la tante Henriette. « Pauvre petite, répondait la tante Pauline. Sans mère, il faut bien qu'on la gâte. Elle est si gentille. » La tante Henriette répliquait, assurément. Et elle avait l'air piqué de ce que sa belle-sœur parut mettre en doute sa compassion. Mais elle posait des principes d'éducation au terme desquels, plus Anatolie était gentille, et plus on devait, dans son intérêt, la tenir sévèrement. Alors, la bonté de la tante Pauline, dépourvue de dialectique, cédait aux malices de la tante Henriette. Le bavardage sournois allait bon train, les blâmes s'ajoutant aux blâmes. La tante Henriette, qui argumentait, oubliait son aiguille en l'air, la tante Pauline, pour acquiescer, n'avait pas à se détourner de son ouvrage, qu'elle accomplissait avec un soin minutieux, tout près de son nez. Très différentes à bien des égards, les deux belles-sœurs avaient cette analogie. L'assurance d'avoir raison, la certitude qu'elles faisaient bien. L'habitude de penser que le bien, c'était précisément ce qu'elles faisaient. Elles rapportaient à leur coutume l'activité d'autrui pour l'apprécier. Elles avaient ce dogmatisme. Elles étaient naturellement pharisiennes. Elles l'étaient à la fois avec simplicité et avec faste, dans leurs paroles et jusque dans leur silence. Elles ne pouvaient rien laisser, ni personne sans jugement. Quelques bribes de leurs propos, surprises à la dérobée, avaient suffi pour exciter à jamais la rancune d'Anatolie. Vertueuses d'ailleurs et munies de qualités honorables, elles étaient de parfaites épouses, chacune à sa guise. La tante Henriette avec ardeur, car elle était belle femme, et son mari bel homme. La tante Pauline avec placidité, car elle était de complexion molle, et son mari d'âme reposée. Ménage bien assorti, on ne se fût point figuré René, mari de Pauline, et Antoine, mari d'Henriette. Ou alors on eût prévu des catastrophes. Les deux ménages, si unis pour juger le prochain, se jugeaient l'un l'autre avec clairvoyance. Plus exactement, le ménage René jugeait durement le ménage Antoine. Quant à Antoine, il savait sa faiblesse, et premièrement la voulait sauvegarder. Il était égoïste avec douceur. Il ne demandait pas grand-chose, la paix. Et voilà tout, la paix et du loisir, afin de lire du latin. René possédait seule l'énergie, l'initiative, l'entreprise et l'ambition. Les deux frères, qui approchaient de la cinquantaine, avaient, dès le sortir du collège, étaient les collaborateurs de leur père, Romain de Berville, lequel dirigeait, après son père et son grand-père, une usine de filature et de tissage. Romain de Berville, assez intelligent, plus entêté encore, gouverna jusqu'à son décès, à 80 ans. Son affaire sans permettre à ses fils même, à René, de l'aider autrement que dans l'obéissance rigoureuse. Il ne relâchait rien de ses idées. Il avait amené son industrie à un point de prospérité au-delà duquel il ne souhaitait rien. Il disait « Après moi, mes fils feront ce qu'ils voudront. Tant que je serai là, les choses iront de cette allure-ci. Pas plus lentement, pas plus vite. » Antoine agréait fort bien cet arrangement. Mais René eut ses projets tout prêts pour le jour où il serait le maître. Romain de Berville mourut. La raison sociale de la maison changeait, et peu de jours après, à la porte de l'usine, l'enseigne. Antoine avait proposé les fils de Romain de Berville. René voulut de Berville le frère. Puis il advint qu'Antoine, par incurie et par les soins qu'exigeait sa nonchalance, fit quelques dettes, embrouilla ses revenus. Il eut besoin de recourir à son cadet. René s'empressa de lui rendre tous les services qui lui permirent d'affirmer son hégémonie. Il fut avéré que le ménage Antoine dépensait trop, dépensait avec désordre, ne savait pas où il allait. Non qu'il menât une grande vie, mais enfin l'on n'épargnait pas. René consentit à régler la situation, mais à la condition de l'examiner, de ne rien faire qu'en juste connaissance de cause. Antoine accepta ce qu'on voulut, et il fut pour le reste de ses jours l'obligé de son frère. Il n'avait plus qu'à obéir. Cela, somme toute, ne lui déplaisait pas. Les René avaient deux filles, et les Antoine également. Les quatre jeunes hommes entrèrent à la filature, les fils d'Antoine dans une position d'évidente infériorité. En toute occasion, leur oncle semblait leur dire « Dame, si votre père avait été plus raisonnable !» Et les cousins ne s'aimaient pas. Il y avait, pour les assemblées, la communauté des intérêts. Tout ce monde vivait sur la filature, que du reste l'activité de René menait à bien, faisait fructifier le mieux du monde. Aucun des six hommes n'eût été capable de gagner sa vie ailleurs. D'ailleurs, il fallait qu'on s'entendît, au moins en apparence. Et d'abord, avant toute chose, il fallait qu'on ménageât René, lequel était le maître indiscutable et de qui tout dépendait. On vivait dans l'impatience, la panique et la soumission. Il était grand, barbu, le front fuyant, l'air un peu niais, mais effronté. Il avait de bonnes manières distinguées, mais avec un peu d'application. Un beau visage, au bout du compte, mais que rendait antipathique le regard, dur et froid. Des yeux petits et noirs, sous la lourde poche des paupières dégarnies de leurs cils, et qui n'avaient aucune rapidité à se mouvoir. Antoine, lettré, bibliophile, gros garçon, ne parlait pas beaucoup, et quand il parlait, ce n'était pas pour annoncer des merveilles. Isolé dans ses manies de pédant, qui aurait eu, disait-on, mieux à faire, il avait de la bonhomie, quelques délicatesses et de la lâcheté. Il affectait une sorte de rondeur humiliée. Il bougonnait assez cordialement. Tels étaient à Castillac les de Berville, grands bourgeois de cette province, où dès l'Ancien Régime et bien avant la Révolution, les gens cossus de Périgueux s'intitulaient bourgeois seigneurs de Périgueux. Il y avait à Castillac cinq ou six familles de ce genre, à qui l'ancienneté donnait une sorte de noblesse provinciale, qui frayaient ensemble et qui méprisaient le reste du monde. Les officiers parce qu'ils traitent la ville, où ils sont comme une garnison de passage, comme une étape, et les fonctionnaires, parce que ces bohémiens feignants et pourvus représentent le gouvernement de la République. L'usine occupait un assez grand local, terminé par la vieille maison, où demeurait, avec sa petite fille, Madame Romain de Berville. Madame Romain, comme on l'appelait à Cassillac, cette maison qu'un charmant jardin reliait au bâtiment manufacturier, donnait sur la place du Parvis, où l'on a vu qu'Anatolie avait le spectacle de la vie extérieure. Elle avait de l'autre côté, dans le jardin, sa vie intime.